Seigneur, nous pouvons rien faire dans ce monde. C'est ma pasteur Pierre l'a dit que nous le disons aussi, mais cela vient du fond de nos cœurs. Auprès de qui, Seigneur, dirons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous avons compris que pour avoir la vie, à ce glorieux message révélé en notre temps. Et ce glorieux message n'est que toi, Jésus. Ainsi nous voulons nous confier à toi. Comme le combat fera, il nous faut seulement nous confier un grand vainqueur et les grands.